Je vais rapidement laisser la parole à la salle. Je veux juste peut-être souligner quelques points communs ou quelques éléments qui sont issus de la mise en regard de ces différentes situations. Tout d'abord, enfin, on remarque une attention au lieu de la part des différentes communications. Hein, l'importance de dire que les droits dont il s'agit ne sont pas attachés aux individus, mais en tout cas qu'elles sont attachées à des lieux, ou en tout cas le lieu a une importance fondamentale, soit fondatrice de droits, soit en tout cas espace de pratique sociale. Ce sont des lieux parfois inattendus, des lieux dont on pourrait penser que ce sont des lieux de non-droit, comme les camps de Beyrouth, ou les baraques de Marseille, ou les navires qui se trouvent nulle part. Hein. Voilà. Et puis, voilà, ce qui en vient aussi, qui revient souvent, c'est une sorte de... Donc, ce n'est pas le droit, ce n'est pas celui qui est dit par le haut et qui est, appliqué par des acteurs de manière passive, etc. Donc un État qui parlerait et des acteurs sociaux qui ne feraient que se taire et obéir en quelque sorte. Mais il y a une sorte de brouhaha juridique, brouhaha qui est dû à une pluralité juridique, bien sûr, mais peut-être à tous ces phénomènes de revendication de droits, mais aussi de simplement vivification de droits. C'est-à-dire que revendication nous renvoie à des moments peut-être extraordinaires, et l'idée de vivification, puis il y a un quotidien qui, en tout cas pour les sociétés d'Ancien Régime, mais peut-être l'hypothèse intéressante à soumettre aux contemporanéistes, la vivification de droit engendre des droits nouveaux, ou en tout cas en conforte, on les consolide, etc. Voilà, donc la parole est à la salle. Bon, Jérémy Foy. Oui, c'est une question, une remarque pour Claire, Jules. Je voulais savoir si, vous avez dit qu'effectivement il y avait un basculement entre fin 15e, début 16e, dans l'arrivée des papiers comme technique d'identification des personnes. Est-ce que tu retrouves quand même, comme c'est le cas en France, un mépris aristocratique du papier parce que... c'est inversé, là. Les sans-papiers, à Venise, c'est les grands aristocrates. Ceux qui ont le papier est un stigmate. C'est l'étranger qui a un papier. J'imagine que les grands, les riches n'ont pas besoin d'avoir des papiers. En France, au XVIIe siècle, on retrouve vraiment très clairement le stigmate du papier. Celui qui doit prouver qui il est, c'est. Il est en bas de la hiérarchie sociale. Par exemple, comme ça, on demande à Montluc de prouver qu'il est bien gouverneur de Languedoc, Montluc arrache sa chemise, montre ses cicatrices et dit voilà, mon roi il est là, mon roi c'est les cicatrices sur mon corps. Alors ma question, c'était ça, donc, le mépris du papier, et puis aussi, alors on en trouve aussi au XVIe siècle en France ce genre d'attestation, mais je me demande toujours qu'est-ce que ça vaut, parce que c'est comme très facilement imitable, il n'y a rien. Moi j'en ai trouvé beaucoup des certificats de catholicité. Il y a marqué « Je, curé de machin, certifie que telle personne est catholique. » Et donc la question qui se pose avec ça, parce qu'évidemment il n'y a pas de photo d'identité, il n'y a pas vraiment de technique de certification, la question c'est la question du faux. la question du papier entraîne avec elle la question du faux papier et des sceaux, des techniques de probation de l'objet papier. Est-ce que tu trouves ça, des faux papiers et des accusations faites? Je ne sais pas si on prend... Est-ce qu'on prend plusieurs questions? Peut-être. Oui, parce que sinon... Oh oui, voilà. Et donc, Marianne? Oui, alors je voulais poser une question à Claire Jules. J'ai trouvé très intéressant ce jeu d'appartenance et d'identité croisée. Et je me demandais s'il y avait, comment jouer donc, dans cette définition d'une communauté en opposition... des étrangers qui, si j'ai bien compris, ne sont pas définis comme tels, comme une catégorie donc unique. D'une part, l'appartenance au quartier, et d'autre part, les juifs dans tout ça. Est-ce que ça contribue justement à forger des sentiments d'appartenance et y compris d'étrangéité, donc si les choses ne se donne pas comme tel. Et à Caroline, je voulais poser aussi une question. Donc, tu montres bien que l'État ne se désintéresse pas pour une série de raisons donc, de ces populations. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des évolutions, puisque l'État n'est pas le même suivant les périodes? Bon, je pense évidemment au fascisme, dont on sait qu'il a cherché, peut-être faisant nécessité, vertu, en tout cas à freiner donc, l'immigration. Et d'autre part, l'État n'est pas non plus une monade. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, justement, de ces agents de l'État, suivant en particulier la lecture qu'ils font de cette immigration? Par exemple, au sein des méridionalistes, il y en a qui pensent que c'est plutôt négatif. D'autres, quelqu'un comme Kolayan, qui pense que c'est plutôt positif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des différences de vue de ce point de vue-là? Philippe? Je continue avec Caroline. Dans ta démonstration, on voit bien qu'il y a des droits qui sont octroyés par le jeu et qu'ils sont intégrés à la compétition commerciale. C'est-à-dire que la compétition commerciale peut être... on peut créer les conditions pour que la compétition commerciale entre les compagnies aboutisse à une meilleure protection. Donc ça, c'est le jeu, c'est le jeu des normes étatiques et des politiques étatiques que jouer là-dessus. Mais à un moment, tu as dit, il y a deux choses distinctes. Attribuer des droits, c'est, protéger, c'est une chose. Attribuer des droits, c'en est une autre. Et donc comment est-ce que ça joue, cela? Alors peut-être en venant sur les institutions judiciaires de règlement des litiges, mais au-delà de... où là, les principaux intéressés ne seront pas simplement ceux à qui on octroie des protections, mais ils seront peut-être un peu plus acteurs, pour prendre des termes auxquels Natividad tient beaucoup. Mais je suis intéressé par cette distinction entre protéger et attribuer des droits et comment tu l'as fait jouer. Et à Jean-Baptiste Zambourg, là, c'est plus une remarque qu'une question. Je suis un tout petit peu perplexe par la multiplicité, devant la multiplicité des références. Je m'explique. J'ai bien compris que les forçats, considérés comme des morts civilement, sont des gens qu'on a privés de droits. Et notamment, c'est très intéressant de faire jouer la question de la capacité à tester ou pas. Mais le rapprochement avec les esclaves, là, c'est bizarre. Ok, la France, terre de liberté. Il n'y a pas d'esclaves en France. On voit très bien, on peut faire jouer les contradictions là-dessus et faire des rapprochements. Lorsque Pierre Boulle ou Sue Peabody étudient ce qui se passe lorsqu'un esclave des Antilles est amené par son maître en métropole où précisément l'esclavage ne doit pas exister, on fait jouer la contradiction. Mais je mettrais ça très très loin de la situation de l'engagisme, parce que l'engagé est protégé par un contrat. Ce contrat est peut-être très asservissant, mais il est protégé par un contrat. Et plutôt que de faire jouer le texte de 1797 de la nécessité de rétablir l'esclavage en France, à ce moment-là, allons-y carrément, et regardons le code noir. Et regardons comment le code noir joue sur les conditions testamentaires des esclaves. Et là, je renvoie à la polémique entre Louis Salah Moulins et Jean-François Nior là-dessus. Mais en tout cas, rapprocher la situation de gens qui ont été, parce qu'ils sont condamnés, privés de droits, de gens qui se sont privés de droits eux-mêmes en signant un contrat, les engager, là, ça me paraît de l'équilibrisme. Et je crains que la comparaison n'apporte pas grand-chose. Christophe Jamais. Oui, très rapidement, c'est une question qui s'adresse un peu à tous, en fait, parce que dans tout ce que vous avez exposé, c'est extrêmement intéressant sur des statuts qui ne sont pas liés aux personnes, mais j'allais dire aux statuts spatiaux, presque, et à l'interconnaissance. Il me semble qu'il y a deux éléments, et également aux instruments de connaissance et de reconnaissance. Et par exemple, aux instruments pratiques, il y a deux éléments qui me semblent avoir joué et qui sont d'une part la définition d'une catégorie ancienne ayant un droit lié à son déplacement qui est celle de pèlerin, d'une part, et d'autre part un document lui aussi ancien. C'est pour ça que je pose la question, parce que dans les deux cas, ça remonte au Moyen-Âge, qui est le sauf-conduit. Sauf-conduit qui est dans l'ambiguïté, puisqu'il peut y avoir du sauf-conduit pour. C'est tout à fait ce que je disais. Sauf-conduit, c'est généralement un stigmate, c'est pour celui qui. Mais ça peut être aussi, là pour le coup, un signe de prestige. Assez rarement, mais ça arrive. Et donc on a deux catégories, me semble-t-il, très anciennes, de définition d'un individu dont le droit est dans le fait que justement il est hors des droits et il est dans le déplacement, ça c'est bien, hein. Et d'autre part un type ancien de papier, avec filigrane, etc., enfin tout ce qui permet d'identifier aussi un petit peu. Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez dans les généalogies de ce que vous avez étudié, ou pas du tout? On arrête là les questions pour pouvoir faire une pause après. Je laisse répondre les orateurs, je pense. Je peux vous dire. Alors, sur la question du papier et du stigmate, je crois que justement, si les dernières, il y a beaucoup de travaux récents sur la question de l'identification, qui tendent à, en réalité aussi, à revaloriser ce qu'est le papier. C'est pas tellement un stigmate, et d'ailleurs on le voit bien justement dans au XVIe siècle à Venise, parce que là la relation se fait pas avec les patriciens, parce que les patriciens, je pense qu'il y a, il y a une telle distance que. Mais je dirais que c'est plus compliqué, parce que je pense que justement le papier n'est pas tant un stigmate qu'un droit à résider. Et que à partir du moment où on parle d'un groupe où les gens n'ont pas de droit positif, c'est pas si évident. Voilà. Je crois que ça mérite d'être beaucoup plus approfondi. Et sur la question du faux, là aussi, je pense qu'en réalité, c'est pas les travaux sur ces questions-là, me semble-t-il, montrent d'abord c'est pas la facilité à faire un faux qui entraîne le faux, et que qu'a priori, il faut attendre un certain temps. C'est-à-dire le faux n'apparaît pas en même temps que le document lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'habitude du document avant que. Donc en tout cas, on ne trouve pas de faux ou de mention de faux papiers ou tu vois. Par contre, on trouve plutôt des refus de pratique. C'est-à-dire, genre, je dis, moi, j'ai pas envie d'aller chercher ce papier-là. Au début, on a de toute évidence des résistances à la pratique. Et quant à la deuxième question sur effectivement comment l'appartenance peut créer l'appartenance à un lieu, à un quartier, à un créer des sentiments d'appartenance plus spécifiques. C'est évident que justement, le ghetto, c'est un exemple assez particulier parce qu'il y a vraiment là un quartier fermé qui va être lié à des droits et à des exclusions de droits très vives. Mais à Venise, d'autres quartiers se constituent, le quartier des Grecs, le quartier des Turcs, avec le quartier des Allemands, avec des bâtiments qui sont liés justement à des pratiques commerciales et qui participent à l'identification des deux côtés, c'est-à-dire au sentiment d'identification aux autres et à l'identification par les autres. Donc la spatialisation d'un certain nombre de rattachements, me semble-t-il, effectivement, joue sur la construction de ces identités revendiquées ou perçues par les autres. Et le sestiere, c'est antérieur Non, ça existe déjà, mais c'est vraiment administratif et personne n'y fait référence. C'est-à-dire que personne, ça n'a pas d'existence pour les gens, le cestier. Ils n'y font jamais référence. Ils font référence soit au voisinage, soit à la paroisse, hein, comme pratique. Donc, c'est pas l'équivalent de la contrada, par exemple, dans certaines villes de... C'est la paroisse à Venise, en fait. La contrada et la paroisse sont vraiment le même territoire à Venise. Mais le quartier est plus petit, en fait. On se rend compte que c'est beaucoup plus petit que... Et sur la généalogie... je pense qu'effectivement, c'est pas. Il y a l'existence de ces sauf-conduits, mais en fait, je dirais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Bolettini, c'est pour avoir le droit d'être là et pas pour avoir le droit de se déplacer. Donc, il y a une espèce de glissement. Moi, de ce que j'ai lu des textes, il n'y a pas de référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. On ne sent pas un lien qui serait fait par le législateur, mais peut-être que je n'ai pas vu encore assez de documents. Caroline, je crois, enfin je ne sais plus. Je me trie dans les différentes questions. L'État n'est pas un bloc, oui, bien sûr, mais la question que j'avais à traiter aujourd'hui, elle n'était pas tellement là-dessus. Les représentations des méridionalistes, en fait, moi j'ai suivi le cahier des charges qui nous avait été envoyé, qui a rappelé Natividad dans l'introduction, donc en fait, il ne s'agissait pas de partir des représentations culturelles. Des migrants, du peuple. Et d'ailleurs, moi-même, dans mon travail, moi, je fais de l'histoire sociale, donc je souhaite sortir des représentations intellectuelles sur le peuple pour regarder les pratiques des protagonistes de la mobilité. Et dans les protagonistes sont très importants donc les migrants, mais aussi ceux qui ne parlent pas, mais qui agissent, c'est-à-dire les milieux d'affaires, les compagnies de navigation, enfin tous ces milieux d'affaires dont c'est la profession, dont c'est l'intérêt, dont c'est l'activité économique que d'organiser, de promouvoir et de faciliter, mais aussi d'exploiter la mobilité. Alors, sur les droits octroyés qui sont intégrés à la compétition commerciale, donc c'est pour ça que j'avais fait ce mauvais jeu de mots dans le titre, par où passent les droits des migrants, c'est-à-dire qu'en fait, on les trouve là où on ne s'attend pas à les trouver. Pour les contemporanéistes, les modernistes savent bien que c'est par là qu'il faut chercher, c'est-à-dire c'est dans le contentieux commercial, dans la législation commerciale. Et on voit qu'en plein XXe siècle, c'est toujours par là qu'on essaye de faire passer des droits des migrants. Sur la distinction entre protéger et attribuer des droits, oui, c'est fondamental, puisque tout ce que j'ai expliqué sur la protection des personnes, des corps en mer, on voit bien qu'il ne s'agissait pas forcément d'attribuer des droits aux migrants, il s'agit tout autant de protéger les sociétés américaines ou de protéger à bord l'ordre social, sanitaire, moral, y compris en imposant aux migrants, pour assurer cette sécurité, une vie extrêmement contrainte à bord pendant 2, 3, 4 semaines. On vit dans des socialisations très contraintes avec une infinité de réglementations, d'interdictions, de séparation des sexes à bord, de séparation des usages des espaces entre hommes et femmes et de jour et de nuit. On n'a pas le droit de se rendre dans les dortoirs pendant les heures de jour. Enfin, bon, il y a tout un tas d'interdictions. Alors, bien sûr, on peut ne pas les respecter, ces interdictions, et c'est pas très grave si on se lave, si on va au lavabo à l'heure où on n'a pas le droit d'y aller. Sauf qu'il y a des interdictions et des obligations qui sont très contraignantes, qui sont là pour assurer la sécurité des gens et la sécurité des corps. Mais si on ne les respecte pas, ça se traduit par la négation d'un droit fondamental qui est la liberté, puisque si on ne va pas à la visite médicale obligatoire à l'embarquement ou au débarquement, et notamment au débarquement, on est refoulé, et à l'embarquement, on est refoulé. Si on ne fait pas la queue correctement pour présenter ses papiers au débarquement, on est refoulé. Donc on voit bien que la protection la liberté et les droits ne sont pas du tout la même chose. Et puis aussi parce que tous ces phénomènes de protection des personnes donc dans ces espaces de transit très particuliers, ça se traduit quand même par une codification très très forte des voies de migration, des voies de passage qui sont donc légalisées, qui sont instituées. et qui, du coup, deviennent les seules voies autorisées, les seules voies protégées, et ceux qui passent par d'autres voies. Les migrants italiens qui choisissent d'embarquer ailleurs qu'en Italie, et ce n'est pas du tout illogique de leur point de vue, ce n'est pas du tout illogique économiquement. Ceux-là se voient renvoyés à des formes de migration qui ne sont pas interdites, hein, jusqu'aux années 20. Ensuite, elles le seront interdites. Notamment parce qu'il y a une pénalisation en fait, sous le fascisme, il y a une pénalisation du fait de s'embarquer en dehors des ports italiens. Mais donc, même quand ce n'est pas interdit, ça veut dire qu'ils sont renvoyés à des routes migratoires qui ne sont, sont pas du tout sécurisées, donc ils sont renvoyés à une forme de marginalité et de marginalisation très importante. Donc, légiférer pour protéger, c'est aussi une manière de marquer des limites avec des lieux qui sont, eux, délégitimés, délégalisés. Et dans la question de la mobilité à cette époque-là, comme de nos jours, quand même la question du choix des routes migratoires, qui ne sont pas des choix aberrants de la part des migrants, ça touche fondamentalement au droit de se déplacer, au droit de s'organiser selon leur propre vision de leur vie économique, et puis aussi très souvent selon leurs propres réseaux familiaux, selon leurs réseaux habituels de socialisation. Donc protéger des espaces, c'est en déprotéger d'autres, et marginaliser des espaces ou des routes, c'est vraiment une contrainte qui s'exerce à l'encontre des droits des migrants. En termes de. Une réponse. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Et puis, et Myriam, oui, si tu veux réponse à la question des documents. Enfin, des. Voilà. Donc, okay. Tous les deux, mais assez rapidement. Très rapidement. Non, je suis bien d'accord avec vous, l'engagisme et l'esclavage ne sont pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de ranger toutes les questions, toutes les formes de travail forcé sous l'étiquette d'esclavage. C'est pas... Là, c'était juste une analogie qui avait un but assez limité, qui n'était pas de comparer l'esclavage sur les galères et l'engagisme, mais c'était de dire simplement que les formes de relations de travail asymétriques, les formes de domination, etc., sont construites sur des conditions juridiques préalables, que ce soit la question de l'adoption des domestiques. Dans le code noir, qu'on retrouve dans le code noir, c'est ce que montre d'ailleurs dans l'introduction, côté assez large, qui m'intéressait plus d'ailleurs que le texte ensuite, ou la question du louage de services sur l'engagisme. Donc c'était juste simplement montrer ces généalogies juridiques, et certainement pas comparer effectivement des conditions qui ont peu de choses à voir. Néanmoins, juste sur cette question d'esclavage, juste une remarque très rapide. Parler d'esclavage dans le royaume, c'est pas juste un choix interprétatif de ma part, mais c'est une catégorie qui est aussi mobilisée par les acteurs des galères eux-mêmes. En fait, on retrouve par exemple une remarque de l'intendant des galères, le premier en 1670, quand il parle des rameurs libres. Pourtant, il parle des rameurs libres. Il y a quelques années où on embauche quelques rameurs libres pour compléter les équipages, et il parle explicitement à leur sujet d'esclavage volontaire. Il dit, je ne sais plus, quelque chose comme il n'y a pas d'esclavage volontaire qu'ils refusent pour quelques deniers par mois et du vin, etc. On retrouve une autre remarque, parce que la question se pose en fait, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe qui ne se pose pas que pour l'historien. Aussi, la question se pose concrètement, et du coup, ils essaient de justifier la chose. Et il y a un commis de la marine qui écrit « Tout homme qui a une fois touché les terres du royaume est libre, et on ne se dispense de suivre cette loi que pour les Turcs et Maures qui sont envoyés à Marseille pour le service des galères, parce qu'avant d'y arriver, ils sont achetés dans les pays étrangers où cette espèce de commerce est établi. » Donc on se justifie, peut-être par un faux fuyant, ça c'est la question reste entière, et du coup c'est une question qui se pose, mais par le fait que le marché n'est pas sur place. Donc on déplace la question de l'esclavage au simple fait de commercialiser des esclaves qui serait du coup la condition de terre de liberté. Mais voilà, en tout cas, c'est deux points. Mais pour moi, c'est la condition juridique, c'est une chose. Les usages métaphoriques du terme d'esclavage, c'est autre chose. Parce que dans le monde artisanal du XVIIIe siècle, dans le monde du salariat, bien souvent, vous avez un usage métaphorique du terme, mais on n'est pas des esclaves. Qui est lié simplement à la gestion des relations de pouvoir. Et c'est une chose, ça, les usages métaphoriques de la terre, et c'est autre chose de regarder dans le dur, c'est-à-dire le droit. On est d'accord. On est d'accord. Bah, sur les papiers, c'est aussi peut-être une réponse, c'est pas une réponse, mais c'est ta remarque aussi, Jérémy, qui me faisait penser effectivement aux enjeux ambivalents Enfin, est-ce que le papier matérialise d'une part et d'autre part a des usages variés dont ils peuvent donner lieu. Donc un titre de séjour peut permettre de circuler, y compris d'ailleurs au sein de, par exemple, dans le cas que je prenais de ce jeune homme Abed qui était sans papier, entre guillemets, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Lorsqu'il se fait arrêter à l'aéroport, donc il veut partir, il se fait arrêter à l'aéroport, et donc il retourne à la Sécurité Générale pour mettre à jour ses papiers. Donc on lui prend la fin des papiers qui lui restent, sont gardés à la Sécurité Générale. En échange de quoi, on lui donne, non pas un sauf-conduit, mais un récépissé, en fait, pour la première fois. En même temps qu'on reconnaît qu'il est en situation illégale, il a un papier qui lui permet enfin de circuler tranquillement dans la ville sans être voilà. Sur ce que tu disais, Jérémy, ça, moi, je le vois aussi beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que le fait de devoir demander un papier est, alors pas nécessairement discriminant, mais fait l'objet de beaucoup de résistance de la part de différentes catégories de population. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la crainte que de faire des démarches pour obtenir un papier, comme j'imagine pour avoir un boleto, peut entraîner en fait l'expulsion. Donc c'est s'engager dans une épreuve en tout cas de force, de reconnaissance. Voilà. La seconde, c'est si on reprend le cas là, des Syriens au Liban, c'est que pendant des années, donc là on a des populations de travailleurs, de gens qui travaillent au Liban et qui travaillent sous un droit qui leur est très favorable, ils n'ont pas besoin de produire de contrats de travail spécifiques. En tant que Syriens travaillant au Liban, ils sont soumis au même droit que les Libanais travaillant au Liban. Et donc, du fait de cette arrivée massive de réfugiés, la loi change. Et donc, les Syriens au Liban doivent désormais demander des contrats de travail. Donc, un nouveau type de papier qui entre en total... ça rompt complètement les pratiques quotidiennes dans le monde du travail, pour eux et aussi pour leurs employeurs. Dans les faits, il me semble, parce que je constate au quotidien et dans les milieux sur lesquels j'essaie d'enquêter, c'est... que la très grande majorité, en fait, se refuse à faire de démarches avec des arguments qui sont intéressants, qui sont à la fois celui de dire je vais au-devant des problèmes, mais qui est aussi le fait de dire, je l'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai suffisamment de papiers. j'ai un passeport, j'ai une carte d'identité, et comme il y a très peu en réalité de contrôle de la part des autorités de police, le papier supplémentaire leur semble superflu et stigmatisant pour le coup. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils deviennent un étranger comme un autre, alors qu'avant, ils étaient des travailleurs syriens au Liban qui n'avaient pas besoin de papier. Donc, effectivement, ça va dans ton sens. Ouais.